site devant une feuille blanche, une tête vide, demander parfois où l'on est. Rien des retours et voir les têtes basses, des sourcils froncés, les yeux pleins d'angoisse, se laisser dominer par une science inexacte. Je veux plus m'entêter, je veux simplement rêver. Partir sur une scène et à tout vous donner. Laissez-moi passer. Décevoir, c'est ce que je fais le mieux. Je ne donne rien, je prends ce que je veux. C'est ma vie, des décisions pas prises. Cherchant à m'humilier pour réagir. Plus d'amour propre, ça devenait critique. Je ne bougeais même plus face à l'étroit. C'est ce qui restait de moi. Plus m'entêter, je veux simplement rêver. Partir sur une scène et à tout donner. Mais laissez-moi passer. Ça je m'en rappelle pas. De toute façon il est bien tard déjà. J'ai pas la tête à ça. T'es à quoi, t'es à rien. Les questions sont posées l'une et l'autre. Facile, pas de quoi se torturer. Plus difficile, les réponses elles ne veulent pas se montrer. Plus m'entêter et simplement rêver. Sur une scène et là, tout donner. Mais laissez-moi passer. Monsieur, vous avez tout compris. L'avenir, c'est comme un jeu de billes. Votre copie est vide et votre esprit. Je crois qu'il l'est aussi.